malgré les ouvres, les semblées. Ça qui j'a voltigé. Ou en oui, pour en soleil couché. Ah, c'est tout ça qui fait. Obligé à aller. Libre pour bien garder. Johnny. Johnny. Dis-nous ça y passe comme ça. Yeah. L'école en déjà tout seul. Pour gagner si ouais plus soleil. A changer si cancer. A prier si on touche toi. Avec mon aimé. Pour gagner si ouais plus soleil. Pour rendre la vie plus belle. A manger passé à côté. A l'amour. Pour moi de ça trouver si bon l'ombrage. Faut moi de changer page. On est assis en l'opote juste. Mais en moi saigné. Chat pour moi, l'homme par là, qui guide des parents.